J'ai débuté à 55 francs le prix d'un violon en blanc, manche fournie. C'est-à-dire que le manche, je ne le faisais pas, on ne faisait pas la tête. La tête était faite par des spécialistes qui faisaient que ça. Nous faisions le coffre du violon, on emmanchait le violon, c'est-à-dire qu'on fixait la tête au violon, on le finissait en blanc, prêt à vernir. Voilà comment ça se passait. Et pour faire ce travail, à ce moment-là, on touchait, enfin, on nous avait alloué à mon collègue et à moi 55 francs. Alors, on arrivait à en faire 5 ou 6 par mois. C'était pas beaucoup. Et ça correspondait au salaire de quelle profession pour comparer? Je ne sais pas. Alors Tu là, sais j'ai pas? aucun point de comparaison. Je m'en rappelle plus, je veux dire quoi. Il faudrait se voir en 1928. Non, pardon, en 1900, attends, 1920. 1920? 1920, je suis rentré en apprentissage. En Donc tu as mis 2 ans et demi, donc ça fait. 1923, j'étais ouvrier. Voilà. Et ton violon s'achetait à 55 francs. Voilà, on me donnait 55 francs pour faire un violon.